ぞ後の頃 Nuestra vida como una dulce mentira Cuentos tiernos Ventos que inventas tú Ladies and gentlemen, now tout droit venu des ricains des États-Unis s'appelle A Free. À toi, A Free. Ladies and gentlemen, Mr. A Free. Come on. Et basse, c'est quand tu veux. Si tu veux, j'enlève la basse. My friend, are you ready, my friend? C'est bien basse, c'est ça. C'est ça mon gars, c'est ça. Ça y est, tu l'as. On a un bassiste les gars. Oh, on a la basse. Ah là c'est mieux comme ça. Impeccable. Alors on va recommencer. I restart the song. 1, 2, 3, 4. Attends. T'es pas prêt. Je relance, t'inquiète pas. 1, 2, 3, 4. Ladies and gentlemen, une chanson qui s'appelle Fotonovela avec basse à la basse. A Free à la guitare. A todo color Nuestra vida como una dulce mentira Cuentos tiernos vetos que inventas tú Vuelta con tu fotonovela Vuela, mura fotonovela. Vuela, con tu fotonovela. Vuela, mura fotonovela. storia. Un medio amor sin solución. Una música y una cena con velas. Siempre a tu fotonovela, solo tú. Vuela con tu fotonovela. Vuela, mujer fotonovela. Vuela con tu fotonovela. Vuela, mujer fotonovela. Come on. La version de Fotonovela avec basse à la basse. Et ça finit comme ça. Vuela con tu fotonovela. Vuela mujer fotonovela. Vuela con tu fotonovela. Fotonovela. Fotonovela. Fotonovela. Merci. Merci à toi. Bravo, bravo, c'est bien, bravo. Fotonovela. Bon, qui c'est qu'il y a ? Il y a Jean-Michel Jarre qui est revenu sur le demi-52. qu'est-ce que je pourrais te mettre en 120?